Effectivement, je vais essayer de vous présenter les intervenants, donc les représentants que la France envoie auprès de du Congrès américain, auprès de ces provinces qui se sont révoltées contre leur métropole. Et la première constatation que l'on peut faire, sans doute, c'est dans cette communication qui pourrait s'appeler deux ambassadeurs, un consul. C'est l'importance du choix qui a été fait, de la réflexion qui a précédé la nomination des deux représentants, le premier Conrad Alexandre Gérard, qui a été le premier ministre plénipotentiaire envoyé auprès du Congrès, puis son successeur, le chevalier de la Luzerne, et ainsi que le Saint-Jean de Crèvecœur, qui a été abondamment déjà évoqué dans la matinée. Je veux dire, c'est effectivement une nouveauté pour les archives, pour le ministère des Affaires étrangères, de fonder en quelque sorte un réseau diplomatique et consulaire dans un État qui en est encore dépourvu, puisqu'il n'y a pas de représentation officielle. Il y a des envoyés, il y a eu effectivement plusieurs missions préparatoires en quelque sorte à l'établissement de ces relations diplomatiques officielles, mais c'est une création ex nihilo pratiquement, et c'est justement l'intérêt que représente cette implantation donc diplomatique et consulaire aux États-Unis qui retient un petit peu l'attention par rapport évidemment au réseau diplomatique traditionnel de la monarchie d'Ancien Régime. Et évidemment que on sent que Vergennes, donc qui a été dont l'action a été évoquée, que Vergennes a pris beaucoup de soins pour désigner ses représentants donc en Amérique, et que ce n'est pas au prévenu qu'il s'est adressé pour occuper ce poste. Alors, le premier d'entre eux, c'est évidemment Conrad Alexandre Gérard, qui a été donc ce premier représentant officiel donc de la France aux États-Unis. Et qui était un diplomate chevronné, confirmé, dans lequel je crois que le ministre Vergennes avait placé toute sa confiance. Et surtout, évidemment, c'était celui qui connaissait parfaitement le dossier américain, puisqu'il avait négocié les fameux traités d'alliance et de commerce de février 1778. Alors, lorsque Conrad Alexandre Gérard part donc en Amérique, il a une longue carrière dans la diplomatie, puisqu'il a commencé comme secrétaire de la délégation de France auprès de l'électeur palatin en 1753, sous les ordres du baron de Zumontel. Il a poursuivi cette carrière diplomatique en devenant en 1761 secrétaire d'ambassade à Vienne auprès du comte du Châtelet, tout en conservant une place qu'il avait obtenue à l'école militaire avec son précédent patron, si je peux employer cette expression. Il reste dans la capitale autrichienne jusqu'en 1756, dans laquelle il est nommé premier commis du département des affaires étrangères avec le titre de secrétaire du Conseil d'État. Alors, la place de premier commis des affaires étrangères, à l'époque, c'est évidemment un poste tout à fait important au sein du secrétariat d'État des affaires étrangères, puisque, effectivement, il a la responsabilité, je dirais, des principaux dossiers que traite le ministère. Et on le voit bien en 1776, c'est-à-dire 10 ans plus tard, puisqu'il devient commissaire des limites, c'est-à-dire qu'en fait, il est chargé de la négociation des frontières, évidemment, ce qui est un poste tout à fait stratégique au sein de ce secrétariat d'État. Et c'est lui qui également renouvelle, ce sera l'avant-dernier dossier important qu'il gérera à Versailles, c'est lui qui est chargé de renouveler l'alliance avec les cantons suisses en 1777, avant de s'attaquer donc au dossier américain. Et on peut dire qu'en consultant son dossier personnel, que ses services sont particulièrement appréciés par le ministre et par le roi, puisque il reçoit de nombreuses gratifications et marques de satisfaction. C'est ainsi qu'en 1767, le roi lui accorde un huitième de place de fermier général, donc c'est simplement une gratification, et il sera anobli en 1788 au retour de sa mission. Et au moment de son mariage, en novembre 1768, le roi lui accorde une pension, accorde à sa, plutôt à son future épouse, une pension de 4 500 livres pour lui tenir lieu de douaire. Donc on voit bien que c'est un j'ose pas employer le terme de fonctionnaire, mais c'est un agent du ministre, du secrétariat d'État, qui est particulièrement honoré par ses supérieurs. Alors évidemment que le dossier américain prend très rapidement, à partir de 1776, la première place dans les préoccupations de Gérard. Il en suit en effet toutes les péripéties, il suit l'évolution politique des colonies, les anciennes colonies d'Angleterre en Amérique septentrionale, la détérioration progressive des relations avec la métropole, la volonté d'indépendance qui se dessine et dont la France, pense-t-il, peut tirer parti et peut tirer profit pour affaiblir, je dirais, son éternel concurrent, la Grande-Bretagne, et prendre ainsi sa revanche sur le traité désastreux de Paris de 1763. On le voit rédiger rapports, mémoires, les archives diplomatiques conservent effectivement un certain nombre de ces documents, à l'attention du roi, à l'attention du ministre, et avec prudence, on le voit progressivement proposer une intervention officieuse d'abord, puis officielle, auprès des colonies anglaises révoltées. Et c'est lui qui sera chargé de recevoir à Paris d'accueillir l'envoyé du Congrès américain, Silas Deane, et de négocier avec lui, plus tard avec Benjamin Franklin, quand ce dernier arrivera en France, le fameux traité d'alliance qui était souhaité par Vergennes et dont il a été le principal auteur. Aussi, c'est assez normal que lorsqu'il s'agit de désigner un représentant officiel auprès du Congrès, on ait pensé à Conrad Alexandre Gérard. L'administration royale doit disposer en effet à Philadelphie d'un homme de totale confiance, d'un diplomate chevronné, une fois encore, chargé de coordonner l'action commune contre l'adversaire britannique, mais également, et ce n'est pas la moindre des choses, on le voit dans la correspondance presque quotidienne que Conrad adresse à Vergennes, il s'agit également de guider un peu un congrès qui est encore très inexpérimenté en matière de relations diplomatiques. Et on le voit notamment aux hésitations qui accompagnent la remise des lettres de créance de Gérard. C'est effectivement une première pour les Américains. Et on sent bien qu'effectivement, ils n'ont pas l'habitude, évidemment, d'entretenir ce type de relations officielles, puisque c'est un État qui est tout neuf. Et on peut dire que Gérard aura fort à faire avec les représentants du Congrès. Il les connaît bien, il les rencontre fréquemment, il rencontre le président du Congrès également, il rencontre Washington, c'est normal. Mais il doit guider un petit peu cette politique extérieure naissante des États-Unis, notamment éviter qu'elle s'engage vers le Canada, puisque c'était une solution évidemment assez pratique d'affaiblir l'Angleterre en attaquant les colonies du Canada. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser que la France aurait soutenu cette possibilité pour prendre une revanche définitive sur le traité de Paris, et ce n'est pas le cas. Il évite effectivement de pousser les Américains dans cette direction. Et de la même façon, il accompagnera tout le début des préliminaires, des premières rencontres qui aboutiront donc à la paix. Et les obstacles sont nombreux, et notamment de la part des loyalistes favorables aux Anglais qui multiplient les obstacles. On peut dire que, on le voit dans la correspondance qu'il a laissée et que nous conservons, qu'il est totalement investi dans ses fonctions. Il connaît personnellement, comme je l'ai dit, un grand nombre de représentants. Et il analyse cette politique naissante donc des responsables américains en se montrant parfois un peu déconcerté par les contacts qu'il entretient avec eux et qui s'éloignent évidemment des règles diplomatiques auxquelles il est habitué et qu'il a rencontré dans les usages diplomatiques qu'il a rencontré dans ses postes précédents. Il n'est pas là dans un poste traditionnel et il lui faut pratiquement innover. Alors, il décrit le caractère américain, parfois de façon peu favorable, quand par exemple il parle de l'esprit de cupidité mercantile des Américains, mais tout en étudiant les perspectives de commerce que peuvent proposer les les États-Unis, pardonnez-moi, naissant au négoce français, parce qu'ils ne se contentent pas, en effet, d'analyser les perspectives. Il y a beaucoup de rapports, effectivement, sur les possibilités de développer ce commerce. Rappelons quand même que le traité d'alliance était un traité d'alliance et de commerce, donc la part commerciale est très importante, et on voit le représentant de la France s'engager directement, engager une campagne de publicité pour promotion publicitaire, en quelque sorte, en faveur des produits français. C'en est une résonance tout à fait contemporaine. Et pour cela, il utilise les moyens qui sont ceux qui existent aux États-Unis à l'époque, déjà la publicité, et c'est assez intéressant de voir dans les petites publications imprimées nord-américaines, effectivement, l'intervention du représentant de la France pour promouvoir les produits français. Alors, évidemment, dans le domaine militaire, bon, ça a déjà été évoqué, il doit intervenir pour assurer la liaison entre le commandement français et le général Washington, même si Lafayette se montre un peu critique à l'égard du représentant officiel de la France. Peut-être aurait-il souhaité jouer précisément ce rôle. C'est la question qu'on peut se poser. En tous les cas de cause, on le voit écrire à l'amiral d'Estaing, « Monsieur Gérard ne me paraît pas un homme bien merveilleux. » Mais en lui dictant ce qu'il doit dire, il le dira avec emphase, et cela fera l'affaire. On va laisser à Lafayette la responsabilité, cette appréciation. Il y a aussi un domaine dans lequel Gérard doit effectivement s'investir directement, c'est l'Alliance espagnole. On l'a évoqué ce matin. Les Espagnols, je ne dirais pas, sont en embuscade parce qu'ils sont quand même assez prudents à l'égard de la reconnaissance des États-Unis. Mais en tout état de cause, ils sont prêts à soutenir les insurgents. Vergennes le souhaite, le roi Louis XVI le souhaite également parce que ça fait partie de la politique du pacte de famille. Donc, évidemment, on souhaite l'intervention espagnole, mais l'intervention espagnole ne se fera pas pour rien. Évidemment, les Espagnols souhaitent établir leur autorité sur les deux Florides, ce qui n'est pas forcément du goût, peut-être, des représentants au Congrès qui voient déjà les États-Unis devenir une puissance, élargir leur autorité donc sur l'ensemble du territoire américain. Donc il doit effectivement obtenir cette alliance tout en ménageant les intérêts espagnols et les intérêts américains. Ce rythme trépidant, il va rester 17 mois au total donc aux États-Unis, ce rythme trépidant affaiblit la santé qui était déjà délicate de Gérard, il n'est pas tout jeune, je le rappelle, et son état d'épuisement physique et intellectuel est tel qu'il demande lui-même son rappel, donc en 1779. Alors en septembre de cette année, il va quitter les États-Unis, entouré des hommages, alors véritablement presque universels, rendus à sa compétence et à son dévouement pour la cause américaine et l'alliance entre les deux pays. Le Congrès se montre particulièrement élogieux à son égard et décide même de faire peindre son portrait pour le garder et l'exposer au milieu de la salle des séances. Mais c'est le dernier poste véritable qu'occupe Gérard. Quand il revient en France, il ne reprendra pas de service au département des affaires étrangères. Il est nommé conseiller d'État par Louis XVI, qui lui accorde une gratification extraordinaire, et sa pension est fixée dès l'année 1780, au début de l'année 80, sa fonction est fixée, il regagne son Alsace natale, où il va exercer des fonctions un peu rémunératrices, comme syndic royal à Strasbourg, prêteur royal à Strasbourg, on le verra réapparaître à Versailles uniquement en 1787, au moment de l'Assemblée des notables. En juillet 1789, il renonce à ses charges, les dernières charges officielles qu'il occupe, et il meurt rapidement en avril 1790. Alors, pour succéder à Gérard, Vergennes a fait choix d'un diplomate également de carrière, qui a su faire la preuve de ses compétences dans les postes qu'il a occupés, le chevalier Anne César de la Luzerne. Il est né en 1741, il est donc plus jeune que Gérard. Il a commencé une carrière militaire qui l'a conduit au grade de colonel des grenadiers de France, et après avoir été aide de camp du maréchal de Broglie. En 1775, il est réformé alors qu'il commande le régiment provincial de Caen, et il rentre alors dans la diplomatie. Mais comme Gérard, il suit un peu le même parcours. Il est affecté en Allemagne en 1776 comme ministre plénipotentiaire auprès de l'électeur de Bavière, poste qui acquiert une grande importance immédiatement puisque le malheureux électeur décède l'année suivante sans héritier. Donc, cette disparition entraîne une guerre entre l'Autriche et la Prusse, la guerre de succession de Bavière, et la Luzerne fera la preuve de ses talents de négociateur en négociant le traité de Teschen, qui met fin au conflit en mars 1779. Et pour ceux qui connaissent effectivement les activités, enfin les enrichissements du musée du Louvre, vous savez que la fameuse table a été achetée il y a quelques années et se trouve maintenant au musée du Louvre, la table qui illustrait la négociation du traité et qui avait été un cadeau de prestige qui avait été accordé au baron de Breteuil qui avait du côté qui avait du côté français également participé à la négociation de ce traité. À Philadelphie, la Luzerne saura faire également la preuve de ses talents de diplomate. Il eut aussi des relations très étroites avec Washington, ainsi qu'avec les membres influents du Congrès, au point qu'à un moment un peu difficile, où le gouvernement américain n'a plus de crédit pour assurer l'approvisionnement des armées, eh bien, on voit le représentant de la France s'engager et garantir l'emprunt que le gouvernement américain contracte sur ses biens personnels. Il joue encore un rôle évidemment plus important, c'est dans la négociation qui entoure le rétablissement de la paix avec la Grande-Bretagne. Et là, son rôle est délicat, puisque, effectivement, la grande crainte du gouvernement français, enfin de l'administration royale de Vergennes, c'est que les Américains finissent par se réconcilier avec les Anglais ou les Anglais avec les Américains, et que finalement, la France n'ait eu qu'un rôle un peu modeste dans cette affaire, si ce n'est apporter des crédits pour assurer l'indépendance. Et il obtient, mais non sans difficulté, on le voit dans sa correspondance diplomatique, que finalement, le Congrès ne signe aucun traité avec l'adversaire anglais, avant la conclusion d'un accord entre Londres et Paris, c'est le fameux traité de Paris de 1783. Il regagne la France en 1784 et là également avec l'expression de la gratitude du Congrès, il y a toujours aux États-Unis un comté en Pennsylvanie qui porte le nom de la Luzerne. Le roi lui manifeste sa satisfaction, lui donne des gratifications, là encore c'est tout à fait classique, et lui donne le titre de marquis. Et paradoxalement, la Luzerne a terminé sa carrière comme ambassadeur à Londres, où il est nommé en 1788, sans avoir occupé de poste entre Philadelphie et Londres. Et dans une note qui est conservée dans son dossier personnel et qui est tout à fait intéressante, parce qu'on voit le ministre de l'époque, celui qui a succédé donc à Vergennes, qui est le comte de Montmorin. Montmorin donc envoie une note au roi en lui faisant des propositions pour la nomination du nouveau ambassadeur de France en Grande-Bretagne. Et on a tous les noms et les qualités ou les défauts des différents prétendants. Et finalement, Montmorin, qui défend évidemment la candidature de la Luzerne, rappelle son succès aux États-Unis, mais il ajoute, on pouvait peut-être craindre que si une telle nomination ne soit désagréable au roi d'Angleterre, qui l'a eu comme adversaire en quelque sorte. Mais, assure le ministre, les informations dont il dispose permettent de penser qu'il sera reçu avec plaisir à la cour à Londres, y compris par le roi. C'est ce qui se passe. Luzerne est nommé ambassadeur. Malheureusement, il va mourir en fonction en septembre 1791. Alors, le dernier, je ne sais plus combien il me reste de temps. Peut-être que c'est bon. Alors, c'est parfait. Le dernier, on en a déjà parlé, c'est Michel-Guillaume Jean de Crèvecœur, celui qui apporte plusieurs noms, puisque même dans son dossier personnel aux affaires étrangères, il est appelé Hector Saint-Jean de Crèvecœur ou Saint-Jean de Crèvecœur dans les papiers qu'il envoie donc au ministère. Alors, on a parlé donc déjà de ses qualités professionnelles, donc je ne vais pas m'inciter sur ce point. Ce n'est pas un diplomate, évidemment. C'est un Français qui était installé aux États-Unis, qui est dans ses colonies anglaises, au Canada d'abord, et puis ensuite il s'est installé donc dans les colonies anglaises. Il a participé donc au combat de la guerre de 7 ans, il a quitté le Canada, il a fondé une famille, il a fondé un établissement agricole. Tout ça a été évoqué fort bien par le premier intervenant. C'est surtout, et je pense que ce qui intéresse effectivement les services de Versailles, c'est surtout un esprit curieux. Alors, un homme des Lumières, comme on l'a dit, tout au moins un physiocrate qui est versé dans les questions agronomiques. Rappelons qu'il a publié un petit opuscule sur la culture de la pomme de terre, à un moment où, effectivement, le sujet était à la mode. Et il deviendra, lorsqu'il rentre en France, membre de la Société d'agriculture de Caen, ce qui fait que ses qualités donc de physiocrate ou d'agronome sont reconnues. Il est versé aussi dans les sciences. Il a des talents de cartographe et il a envoyé plusieurs mémoires, des cartes au ministère, donc à Versailles, qui évidemment ont retenu l'attention des services. Il s'intéresse aux questions techniques et c'est peut-être surtout un économiste, c'est-à-dire quelqu'un qui pressent les capacités du peuple américain servi par des ressources naturelles exceptionnelles. Il insiste effectivement dans ses lettres, dans ses écrits et également dans sa correspondance sur le sujet. Enfin, c'est un littérateur, donc là je ne vais pas évoquer la question, elle l'a déjà évoquée. Crèvecœur n'est pas rompu du tout, lui, contrairement à Conrad et au Chevalier de la Luzerne, il n'est pas, à Gérard et au Chevalier de la Luzerne, il n'est pas rompu au travail diplomatique et aux négociations des chancelleries. Il s'agit avant tout d'un esprit pratique qui connaît le territoire américain, ses populations et qui partage ses idéaux. Alors on pourra après éventuellement se poser des questions sur ses véritables intentions, mais en tout état de cause, il apprécie l'esprit d'initiative américain et le goût de la réussite qui caractérise ses populations. Il a écrit déjà de nombreux mémoires, on a expliqué effectivement les soutiens dont il bénéficie à la cour avec celui notamment de la comtesse d'Oudot et d'un certain nombre de grands seigneurs qui effectivement sont là pour, pour l'appuyer. Et c'est un consul qui va mettre l'accent, et c'est assez naturel, sur les questions économiques. Et pressant dans le choix qui a été fait de Crèvecœur, l'intérêt que porte effectivement le gouvernement Louis XVI à la question économique. Et ça, c'est un point sur lequel, effectivement, on n'a peut-être pas suffisamment insisté pour caractériser la diplomatie des dernières décennies de l'Ancien Régime, c'est s'intéresser pour les questions commerciales. On le voit aux États-Unis, c'est très net, mais dans d'autres États d'Europe, c'est tout à fait également le cas. Et c'est le rôle croisé, en quelque sorte, des ambassadeurs, des diplomates et du consul qui, à l'époque, rappelons-le, ne relève pas du secrétaire d'État aux affaires étrangères, mais du secrétaire d'État de la Marine. Et j'en veux une preuve dans la composition du réseau consulaire français aux États-Unis, qui témoigne de cette ambition. En quelques années, la France doit ouvrir, donc c'est considérable hein, pour la diplomatie de l'Ancien Régime, doit ouvrir tout un réseau de consulats à Philadelphie, à Boston, Baltimore, Charleston, sans oublier évidemment New York. Et c'est un effort considérable pour l'époque, puisque effectivement le réseau consulaire évoluait très lentement, et on pourrait tout à fait, toute proportion gardée, le comparer par exemple à ce qui s'est passé au moment de la chute du mur de Berlin, où il a fallu créer effectivement toute une série de postes diplomatiques et consulaires dans des pays qui relevaient effectivement par exemple en Allemagne, c'était le cas, il a fallu créer effectivement une ambassade et un consulat. Eh bien, c'est un petit peu, toute proportion gardée, bien évidemment, c'est un peu la même chose que doit faire effectivement le secrétaire d'État à la Marine et secrétaire d'État aux affaires étrangères, donc au moment de la reconnaissance donc des États-Unis. Évidemment, le poste de New York occupe une place tout à fait de choix dans ce réseau, et Saint-Jean de Crèvecœur représente dans ces conditions le candidat absolument idéal pour occuper les fonctions de consul de France. Il s'intéresse évidemment pendant tout son séjour aux États-Unis à des innovations techniques qui intéressent directement le secrétaire d'État à la Marine. On le voit notamment chercher faire des voyages pour identifier des bois qui seraient tout à fait utilisables pour la courbure des navires. Il s'intéresse à la mâture des vaisseaux. Il s'intéresse également à des améliorations techniques jusqu'au point d'inventer une voiture sur essieu qui, paraît-il, fonctionnait très bien pour transporter des charges importantes dans les ports, comme du bois ou des canons. Donc c'est quelqu'un qui vraiment s'intéresse à l'aspect pratique et technique des choses, et c'est en fait le rôle qui lui est assigné. On le voit tout de suite dès avant même qu'il parte, donc qu'il gagne New York. Par exemple, il propose au service de Charles de Castres, il propose la création d'une ligne régulière de paquebots reliant l'Orient et New York. Des navires qui, au rythme d'un par mois, étaient appelés à développer le commerce entre les États-Unis et la France et à livrer notamment du charbon de terre qui était destiné à alimenter les forges françaises. Et il partira, il gagnera son poste sur le premier navire de la nouvelle ligne qu'il dirige directement, qu'il dirigera parallèlement à ses fonctions consulaires pendant quand même une durée de 3 ans. Il fait des missions à l'intérieur du pays, il essaie d'identifier, comme je l'ai dit, minerais, végétaux, échantillons qu'il envoie en France pour expérimentation. On le voit notamment avec les bois, des échantillons de bois qu'il rassemble au cours de ses pérégrinations et qui sont envoyés à l'Académie des sciences. On le voit également lorsqu'il collecte des laines dans les îles Elisabeth, dont on envoie des spécimens qui vont être testés dans les différentes manufactures du royaume. Donc, et son esprit inventif se manifeste à plusieurs reprises donc, dans ses expéditions et ses expérimentations auxquelles il procède donc, sur le territoire américain. On lui verra même construire une corvette selon de nouveaux principes, ceux du Sieur Peck, donc, qui est un constructeur naval américain. Il fait des essais pour la marine. En fait, c'est quelqu'un qui est très pragmatique. Et comme Gérard, mais dans une proportion encore plus forte, il s'efforce de faire connaître les objets, matières premières, que les États-Unis sont susceptibles de produire et qui peuvent intéresser le commerce français, les manufacturiers français. Et de la même façon, là aussi il y a un écho avec ce qu'on entend régulièrement, il s'efforce de convaincre les négociants français d'adapter leur production aux goûts et aux habitudes des consommateurs américains. Quelque chose qui effectivement est encore d'actualité. En 1686, il viendra même en France pour faire un séjour où il est appelé auprès du ministre pour faire des essais, faire connaître ses réflexions sur l'amélioration du commerce, de la marine et de l'agriculture, faire même des expériences, et faire celles que j'évoquais tout à l'heure sur les machines à les voitures à essieux roulants. Il sera rappelé en décembre 1792, pendant la Révolution, Vergennes n'est plus là, Castres non plus. Il revient en France, il est un peu déçu, un peu désolé de la situation. Il lui manque simplement quelques mois pour pouvoir terminer, pour pouvoir bénéficier d'une pension du gouvernement. Aussi défend-il ses intérêts en rappelant le rôle qu'il a joué auprès de dans l'opinion publique au moment de la reconnaissance de l'indépendance des États-Unis, qui, disait-il, ce vent de liberté qui venait de l'Atlantique, a soufflé d'abord sur l'Amérique et ensuite, évidemment, a soufflé sur la France et, en l'occurrence, a provoqué la Révolution. Et ajoute-t-il, et là, ça, effectivement, alors, monsieur, vous nous avez évoqué précédemment l'ambiguïté de la position de Crèvecœur, qui était à la fois loyaliste et à faveur de l'indépendance. Il est clair que lorsqu'il revient définitivement en France, là, évidemment, il bâtit sa propre légende et essaie évidemment de défendre ses intérêts en rappelant que le rôle qu'il a pu jouer, que ses écrits ont pu jouer dans l'opinion publique, il serait cruel, dit-il, en s'adressant non pas à la générosité de la nation, mais à sa justice, il serait cruel qu'une révolution que mes écrits ont servi à préparer devienne la source de mes malheurs, puisqu'il lui manque quelques mois pour avoir sa pension. En fait, il ne retrouvera pas de poste, mais il va garder des liens avec l'administration des affaires étrangères, puisqu'il marie sa fille en 1790 avec un personnage qui est appelé à jouer un rôle très important. C'est Louis-Guillaume Otto, qui était secrétaire de la Légation de France à Philadelphie, qui avait donc suivi le chevalier de la Luzerne, et ce sieur Otto a joué un rôle très important dans la diplomatie du Directoire et de l'Empire. Et c'est un des grands diplomates de Napoléon. Vous voyez, ainsi, c'est finalement cet ambassadeur et ce consul qui constituent donc les premiers représentants officiels de la France aux États-Unis et dont le choix n'avait pas été tout à fait malencontreux et qui qui ont contribué donc à développer ce réseau donc à la fin de l'Ancien Régime. Je vous remercie.